Suggestion musicale, Radio Tapoc. Donc, il y a quelques jours, j'allais sur YouTube et je regardais des différentes vidéos. L'un de mes passe-temps, ben, c'est de regarder des vidéos de musique et notamment des reprises, parce que des fois, les gens reprennent des chansons connues dans le domaine du rock d'une manière originale. Et Radio Tapoc, c'est une chaîne sur YouTube et il y a un chanteur qui... dans le fond, se rapporte à cette chaîne-là qui va reprendre différentes chansons, dont notamment certains classiques de la musique rock. Mais, comme particularité, à la différence de d'autres personnes, c'est qu'il va reprendre ces chansons-là en les chantant en russe. Donc, il va reprendre, par exemple, des chansons anglaises à l'origine, comme par exemple « Enter Sandman » de Metallica, sauf qu'il va chanter la chanson en russe. Même chose par rapport à d'autres groupes de musique dont il fait des reprises, que ce soit Linkin Park, Blur, AC/DC, Rammstein, Nickelback, System of a Down. Donc c'est sûr que si les gens aiment le rock, entre autres heavy metal, ben ça peut être intéressant d'aller écouter de la musique sur cette chaîne, donc d'entendre les chansons que ça fait plusieurs années que j'écoute, une fois de temps en temps. En russe, ben c'est des paysans. C'est particulier. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Vous allez retrouver en bas de l'enregistrement présent le lien pour accéder à sa chaîne YouTube. Et je vous en parle de ce chanteur, étant donné qu'il est capable d'interpréter différents styles. Donc, c'est sûr que, par exemple, la façon que va chanter le chanteur de Rammstein versus celui des AC/DC versus celui de System of a Down ou de Nirvana, c'est très différent. Pourtant, il va chanter ces différents types de chansons. Donc, il y a quand même une bonne variété. Je le trouve très talentueux. Puis aussi, l'accompagnement musical qu'il a est très professionnel. Je trouve que ça sonne aussi bien sur le plan musical par rapport à la guitare en arrière-plan, la basse, également la batterie, aussi bien que les originaux. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, en raison de ça également, ça a attiré mon attention sur ce musicien en particulier. Donc, il y a plusieurs vidéos sur sa chaîne, non? Il y a de nombreuses reprises de différents groupes. Donc, il est actif présentement. Il fait des vidéos récemment aussi, depuis un certain nombre d'années. Donc, aujourd'hui, j'avais envie tout simplement de prendre la parole pour vous partager cette découverte musicale qui agrémente ma vie depuis les derniers jours. Ben, j'ai écouté quelques-unes des chansons. J'ai même fait découvrir ce chanteur à mon voisin qui aime la musique rock. Là, j'ai fait entendre ça, puis il a trouvé ça excellent. Et puis, à présent, ben, j'ai décidé de vous en parler. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.